Vous êtes toujours à l'écoute d'Elmanger sur les ondes de Radio Béton, les ondes du 93.6. On est dimanche soir, on est donc toujours sur le créneau Metal Extrême, avec une particularité sur cette émission, puisque c'est une rétrospective best-of du premier trimestre de l'année 2021. On vous a fait un petit piquage de chacune des sorties qui nous ont le plus marqué. Donc des séquences qui font entre 25 et 30 minutes. On aura un titre assez long pour clôturer cette troisième partie de sélection. Nous aurons Dread Sovereign, ce groupe ultra classe qui nous fait du épique Doom. Dread Sovereign, pour rappel, emmené par, bien sûr, Alan, la voix de Primordial. Nous aurons ensuite Suffering Hour. Ça a été une excellente découverte, cette formation de Black Death venue des États-Unis. On est sur un style complètement étouffant et hyper torturé. Abomina Putridity, l'énorme retour du groupe de Brutal Slam Death russe, à noter un changement au niveau du vocaliste. Matty Way a cédé sa place une fois de plus à Angelo Choa, parce que c'est pas la première fois qu'ils se relaient l'un l'autre dans les formations slam à travers le monde. Et on clôturera cette troisième partie avec Feriterium. Feriterium, le titre avoisinera la dizaine de minutes. Voilà, les présentations sont faites pour cette avant-dernière partie. Place à la musique. Cast me, O cruel, on the fall. Et voilà, c'est l'heure d'entamer la quatrième et dernière partie de l'émission Hellbanger d'aujourd'hui. Pour rappel, une rétrospective best-of des sorties qui nous ont le plus marqué sur ce premier trimestre 2021. On se retrouvera au mois d'août avec une autre sélection, sélection qui ira du mois d'avril au mois de juin. Voilà, histoire d'avoir brossé l'ensemble du premier semestre. Pour rappel, ce sont des sélections issues des Focus et autres Spotlight. Donc voilà, parmi les sorties qui nous ont vraiment le plus emballé sur ce début d'année. Nous aurons du Evergrey, du Imperium, Grima, Last Day of Humanity, Forest et pour clôturer Street Soldier. Qu'est-ce que c'est un peu que tous ces groupes, histoire de se faire un petit rappel. Evergrey, c'est le groupe suédois de power prog qui nous sort un excellent nouvel album. Nous avons ensuite Imperium, formation allemande de Blacknet Doomfolk. Très très classe et assez porté sur les atmosphères et bah, clairement une très très bonne sortie. Grima, formation russe, on est sur du Pagan Black, très épique et pareil, hyper recherché et très bien foutu. Last Day of Humanity, le retour du groupe légendaire de Gorgrind venu de Nouvelle-Zélande. Pour le coup, on s'écoutera de Nouvelle-Zélande. Qu'est-ce que je raconte? Des Pays-Bas ou de Hollande, comme vous voulez, on s'écoutera une doublette, parce que les titres sont toujours assez courts. Forest, ensuite, formation One Man Band Black Metal de Vince Vaal, le membre de Bloodhouse Nord, voilà, qui officie dans un registre traditionnel Black Metal 90. Et on clôturera cette rétrospective par Street Soldier, le groupe de hardcore beatdown teinté de hip-hop qui nous vient d'Écosse. Ils ont sorti là un EP qui réunit des nouvelles compos et qui compile les anciennes sorties démo et EP. Et on s'écoutera un titre où ils sont en duo avec notamment Don Campan de Waking the Cadaver. Voilà, excellente fin de soirée à toutes et à toutes. Excellente fin d'écoute. Et à très bientôt, ciao ciao! Right. Thank you. Your lips will get chopped off.